Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 28. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 19 mars 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es béret vert, tu es troufion, tu es grande muette, tu es général Bijard, tu es théâtre des opérations extérieures et tu es aussi... Ça fait 22 ans que je suis dans l'armée, 22 ans que je fais mon lit au carré et j'ai jamais demandé pourquoi. C'est comme ça et pas autrement. Compris ? Oui, chef. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es militaire, tu es armée française. Il y a 10 ans, au printemps 1996, président Chirac a pris la décision de professionnaliser son armée et donc de suspendre le célèbre service national. Aujourd'hui, l'armée française compte 347 000 militaires pour un budget annuel de 33 milliards d'euros. C'est énorme. Alors, pour célébrer cet anniversaire, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'enfiler un uniforme et une paire de Rangers pour aller faire un tour dans les casernes de France. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de ton armée. Pour commencer, il faut se souvenir des relations qu'entretiennent les Français avec leur propre armée. Ensuite, il faudra dresser une galerie de portraits des principaux personnages qui constituent la hiérarchie militaire. Parmi eux, on enchaînera sur une interview exclusive du sergent-chef Rika Zaraï qui viendra nous parler de son service militaire. Et puis, nous essaierons de découvrir ensemble quels sont les endroits aujourd'hui où tu peux encore croiser des militaires et enfin te raconter le service national de Jean-Claude. Et oui, Jean-Claude fut incorporé au 121e régiment du train à Montlhéry quelques semaines seulement après avoir rencontré Monique. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et danse au pas cadencé. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Submarine. We all live in the Yellow Submarine chante en 1969 le commando pop-rock des Beatles parce que en 1969, la France, elle, lance le terrible, son deuxième sous-marin nucléaire, après le redoutable, des engins tout neufs, des sous-marins jeunes. Cette semaine, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc aux militaires à l'occasion du 10e anniversaire de la suspension du service national. Et pour commencer, nous nous sommes demandé quelles relations pouvaient bien entretenir les Français avec leur armée. Tout d'abord, le militaire a longtemps incarné la virilité. Le soldat, c'est le stéréotype du mâle, l'arme au poing et l'uniforme chamarré. En eux, tout me plaît. En France, la relation du peuple avec son armée est longtemps passée par la conscription et le service militaire. La naissance du service national, c'est la loi Jourdan d'Elbrel, du 19 Fructidor en 6, c'est-à-dire du 5 septembre 1798. L'article 1 est très clair, tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie. En 1798, la défense de la nation, c'est l'affaire des conscrits, c'est-à-dire de ceux qui sont ensemble inscrits sur une liste. Mais le système n'est pas parfait et la conscription est impopulaire car elle est basée sur le tirage au sort et le remplacement, c'est-à-dire la possibilité pour le bourgeois de payer quelqu'un pour remplacer son fils. À la fin du 19e siècle, alors que la Troisième République réforme la conscription, éclate une profonde crise de confiance entre une partie du peuple et son armée. L'acharnement de certains militaires à vouloir condamner le capitaine Dreyfus ternit l'image de l'armée. On nous cache tout, on nous dit rien. On ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. L'affaire se termine en 1906 par la réhabilitation de Dreyfus. Mais certains restent méfiants face à la Grande Muette. Le début du XXe siècle, c'est aussi pour l'armée le vote en 1905 d'une loi fondamentale à l'origine du service national en place jusqu'en 2003. Avec cette loi de 1905, c'en est fini du tirage au sort et du remplacement. Le ministre de la Guerre veut que tous les Français fassent leur service. Dernièrement, le ministre de la Guerre, pour que la France ait des hommes beaux et forts, a décidé que tous les militaires à la caserne devraient faire du sport. Et depuis, je vous assure, on cultive journellement notre musculature et l'on peut dire fièrement, du bout des pieds à la tête, on est des athlètes, des chevilles jusqu'au type, on est des sportifs. La mobilisation de près de 8 millions d'hommes durant la Première Guerre mondiale, soit près de 20% de la population française, met le soldat citoyen au cœur des combats. Le poilu, par les souffrances qu'il endure, est à la fois méprisé par un état-major qui l'envoie à la boucherie et à la fois un héros perçu comme un défenseur de la patrie. En mai 1940, lors de l'offensive allemande contre la France, les héros, justement, reprennent du service. Alors comme ça, vous vous battez dans la forêt de Machecoul? On se bat. C'est plutôt qu'on est comme une espèce de poste avancé, quoi. Dans le cas que... Comprenez une supposition que les Allemands reculent? Crac, on est là. Pour les empêcher de reculer. La tenaille, quoi. La tenaille, oui. Je vous demande ça parce que, aux dernières nouvelles, les Allemands sont déjà à 30 km au sud de Machecoul. Tiens. Oh, dites donc. Ils foncent, hein? Alors, si je comprends bien, vous êtes 30 km derrière les Allemands, à attendre qu'ils reviennent, en somme. Voilà. Enfin, voilà. Pour l'instant, on va pas attendre des années, évidemment. Je m'en doute. Surtout qu'ils peuvent reculer par un autre chemin. Eh oui. Déjà qu'ils sont pas passés par là pour descendre, on voit pas pourquoi ils passeraient par là pour remonter. Ça, vous savez, quand on recule. Et vous êtes combien à faire la tenaille? Trois. Trois pour faire la tenaille, on est alors bien loin de l'image du volontaire de la Révolution, parti défendre les frontières de la patrie. Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, les Français vivent entre désamour et méfiance pour leur armée. Par exemple, le putsch des généraux en 1961 contribue à l'image d'une armée rétrograde qui ne convient pas du tout aux enfants du baby-boom porteurs des idées progressistes des années 60 et 70. Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge. Quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances. Les gens bien et les terroristes, parachutistes. Remarque, les gens bien et les terroristes, c'est encore le credo de certains maîtres de l'univers d'aujourd'hui. Dans les années 60, l'armée française se transforme. Le soldat n'est plus au centre des stratégies militaires. C'est l'heure de la force de frappe et de la dissuasion nucléaire, comme ce 3 avril 1967 à Cherbourg. Force française de demain. Le mercredi 29 mars 1967 restera une date historique dans les annales de la Marine nationale. Ce jour-là, en effet, c'était mercredi dernier, notre marine de guerre est entrée dans une ère nouvelle, celle de la propulsion atomique, avec le lancement à l'arsenal de Cherbourg de notre premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Redoutable. Cet événement, donc, a été célébré en grande pompe. Vous savez que c'est le général de Gaulle lui-même qui a procédé au lancement du Redoutable en appuyant sur un bouton. Le lancement du Redoutable est une réussite parfaite et j'en félicite tout l'arsenal de Cherbourg. C'est une journée capitale, chacun s'en rend compte, capitale pour notre marine et par là pour notre défense et par là pour notre indépendance. Vive la France! Les changements géopolitiques de la guerre froide et l'arme nucléaire conduisent donc la France à modifier le service national. Peu à peu, de réforme en réduction du temps de service, l'armée française se dirige vers la professionnalisation. Le 22 février 1996, la messe des officiers est dite. France Inter. Bonjour. Le monde change, la façon de se défendre aussi. En 2001, il n'y aura plus de service militaire obligatoire en France. L'armée sera professionnelle. Jacques Chirac, hier soir, a exposé aux Français sa façon de voir les choses en matière militaire. Il faut pouvoir, a-t-il dit, envoyer sur les terrains extérieurs 60 000 hommes lorsqu'on le souhaitera. Dans 6 ans, l'armée comptera dans ses rangs 350 000 individus. Il s'agira entre-temps de supprimer une quarantaine de régiments. Le service militaire sera remplacé par un service civil, obligatoire ou ouvert aux bénévoles, un grand débat va s'ouvrir. Un grand débat va s'ouvrir. Eh bien, nous, on ne l'a pas trop vu, le débat promis. Et c'est sans doute dommage, car si le service national était vicié par les passe-droits, les dispenses et les pistons, il n'en restait pas moins un lieu d'intégration à la communauté nationale, un lieu de mixité sociale. Le service national, c'était aussi un moment particulier où la nation montrait qu'elle voulait s'occuper d'une classe d'âge. Et puis, la fin du service, c'était aussi la soirée préférée du Bidas, celle de la quille, qui se terminait chargée de vin et riant comme baleine. Sur les vitres teintées s'écrasent nos haleines, chargées du vin d'hier. Nous rions comme baleines, la route est une mer qu'aucun rouleau n'agite, les péages comme des îles balise notre fuite dans un camion. Dans la plaine dévolue, à la station service, dans l'air qui nous saisit, sentons nos os craquer. Comme nous avons vieilli, comme nous avons roulé, comme nous avons tiré sur nos forces motrices dans un camion. Dans un camion. Ne nous attendez pas, nous ne reviendrons jamais, et triangle à la main, dans le camion teinté, nous boirons tout l'or noir, que d'arrêter et passeront sans le voir dans un feu de forêt. Dans un camion, nouvelle chanson de Dominique A, artiste major, sur un album intitulé L'Horizon. Pendant longtemps, pour les militaires français, l'horizon, ce fut la ligne bleue des Vosges. Alors, pour continuer notre exploration des arcanes de l'armée française, après avoir survolé les relations qu'entretiennent les Français avec leur armée, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser aux principaux personnages qui constituent la hiérarchie militaire. L'état d'esprit d'une armée repose avant tout sur l'honneur et la discipline. Les militaires français jouissent bien entendu de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Mais par ailleurs, ils sont soumis à différentes contraintes très spécifiques. Notamment, ils sont soumis à une obligation de réserve. Autrement dit, ils n'ont ni le droit de grève, ni la possibilité d'adhérer à des syndicats ou à des partis politiques. Du coup, leur seul moyen de contestation, c'est d'avoir recours à la hiérarchie. Et oui, comme chacun sait, le fonctionnement interne d'une armée est fondé sur le principe d'une échelle hiérarchique. Et tout en bas de cette maudite échelle, on trouve les sans-grades, les militaires du rang, les troufions comme on dit, qui sont regroupés dans ce que le jargon militaire appelle une compagnie. Première compagnie, gueule à vous ! Ils sont 12. Ils sont célèbres. Leur mission, apprendre à vivre comme de vrais recrues. Leur point de chute, la jungle de Guyane. Avec Jean-Pierre Castaldi, Nathalie Simon, Sylvain Mirouf, Talia, Jean Roucas, Douchka. Ils vont tous en baver. Vous, vous allez adorer. La seule différence entre la ferme célébrité et la première compagnie sur TF1, c'est qu'a priori, Jean-Pierre Castaldi n'a pas couché avec Jean Roucas, alors que Ducruet, lui... Alors ensuite, dans cette hiérarchie militaire, juste au-dessus des bidas, on trouve le célèbre corps des sous-officiers. Ce sont eux qui sont au plus près des troupes. Le sergent, par exemple, a toujours encadré ses hommes, tel un père de famille, avec, comment dire, beaucoup de tact et de diplomatie. Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, tas de punaises ». Est-ce que c'est bien clair ? Chef, oui, chef ! Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Chef, oui, chef ! Debout dès le matin, jusque tard le soir. Debout dès le matin, jusque tard le soir. On court sans arrêt, c'est ça notre devoir. On court sans arrêt, c'est ça notre devoir. Charmant, le sergent. Chez les sous-officiers, il y a également un grade tout aussi célèbre que celui du sergent, à savoir l'adjudant. C'est sans doute grâce à son autorité naturelle débordante que l'adjudant s'est formé au fil du temps une réputation légendaire. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? En général, le désespoir de l'adjudant vient sans doute du fait qu'il est souvent très difficile pour lui d'intégrer un jour l'élite de l'armée française, à savoir le corps des officiers. Et oui, parce que dans la hiérarchie militaire, devenir officier, ça signifie commander un régiment. Devenir officier, c'est porter un uniforme plus élégant. Et surtout, devenir officier, c'est avoir certains privilèges. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ? De la marijuana. Vous en voulez ? Oh non, merci. Excellent. Certainement pas. Moi, avec plaisir. Je n'aurais jamais cru qu'on fumait ainsi dans l'armée. La marijuana, vous savez, ce n'est rien. Non, mais c'est un premier pas vers des choses plus graves. J'ai horreur des drogués. La marijuana n'est pas une drogue. Regardez ce qui se passe au Vietnam, par exemple. Du général en chef au simple soldat, tout le monde fume. Et le résultat, c'est qu'ils bombardent leurs propres troupes au moins une fois par semaine. Mais non, madame. S'ils bombardent leurs propres troupes, c'est qu'ils ont leurs raisons. C'est vrai qu'il arrive parfois que l'état-major ait ses propres raisons, que la raison elle-même ignore totalement. L'état-major, composé d'officiers supérieurs, c'est le sommet de la hiérarchie militaire. Cela dit, l'état-major est placé sous l'autorité du ministre de la Défense. Depuis quelques années, c'est donc Michel Alliot-Marie, de concert avec président Chirac, qui donne les grandes orientations de l'armée française. Au passage, Alliot-Marie n'a pas été choisie au hasard. Elle l'a souvent dit. « Je n'ai rien de plus beau qu'une marche militaire. » Je connais rien de plus beau que le paquet dansé. Je connais rien de plus beau que la trompette guerrière. Je connais rien de plus beau que le 14 juillet. Moi, dès que j'entends Rataplan, j'en ai des frissons dans le corps. Je pourrais être la femme d'un sergent ou la fille d'un tambour-major. Il faut tout de même signaler qu'avec la disparition du service national, un personnage non négligeable a lui aussi disparu de l'organigramme militaire, à savoir l'objecteur de conscience, celui qui refusait de porter une arme. Souviens-toi, un homme sensible, doux comme un agneau. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en rayée, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue. Et votre République, moi je la tringle. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Alors maintenant, pour compléter notre regard sur l'univers des militaires, nous avons joint cette semaine au téléphone un sergent-chef très particulier, à savoir la chanteuse Rika Zahraï. Rika a fait son service militaire en Israël à la fin des années 50 et pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé si ce n'était pas trop dur physiquement. Réponse juste après le jingle. C'est c'était déjà très dur physiquement parce que nous passons une période de classe et nous devons, par exemple, ça tout le monde le connaît, nous devons ramper et sous de barrières des barbelés. Et il faut vraiment ramper tout à fait platement pour ne pas accrocher les fesses. Et quand j'ai les fesses bien rebondies, c'était toujours un exercice très périlleux pour moi. Vous aviez quel grade ? Sergent-chef. Sergent-chef. Tant qu'il y avait des efforts physiques à faire, de ramper ou courir, bon, ça allait encore. Mais je détestais quand on travaillait avec des grenades. Mais alors détestais, j'avais toujours la peur qu'il y aurait une main d'arraché. Alors que bien sûr, il y avait toutes les mesures des protections. Mais ça, c'était quelque chose que je détestais. Et puis, quand on travaillait avec les sous-petites mitrailleuses, la Sten... Oui. Qui était si peu précise. Alors, moi qui est anti-militariste, moi je suis une femme vraiment paisible, j'ai embrassé, j'ai été à genoux devant mon Bren une fois que cette petite mitrailleuse est arrivée. J'ai adoré la Bren parce que j'ai dit enfin, on se débarrasse de la Sten. Mm-hmm. Mais la Bren, c'était quoi? Je ne comprends pas. Et aussi une sous-mitrailleuse. Ah. Et qui était précise quand on tirait, quand on regardait, c'était ah oui, d'accord. Précis. Et donc, cette partie-là, vous savez, quand on fait avec des armes, et surtout s'ils ne sont pas des armes de précision, c'est vraiment quelque chose d'insupportable. C'est surtout très dangereux. Mais dites-moi, Rika Zahraï, est-ce qu'il vous est arrivé de faire le mur pendant votre service militaire ? Oui, et quand je suis arrivée, bien sûr, et on a envie d'être le jour de Shabbat à la maison, comme ici, tous les soldats veulent être dimanche à la maison. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et on était consignés cette semaine-là, tous, parce que je ne me souviens plus qu'est-ce qu'on a fait. Et j'ai dit, c'est pas possible, il faut que j'y aille à Jérusalem pour le samedi, pour le Shabbat. Et on m'a dit, t'inquiète pas, il y a là-bas dans le mur, il y a une brèche, on saute, on monte un tout petit peu, on saute de l'autre côté, ni vu ni connu, tout va bien. Bon, ça va, alors j'étais très contente. Et les moments voulus, j'ai mon barda sur moi et je monte un tout petit peu et je saute sur les épaules de mon commandant. Parce que lui aussi, il connaissait la brèche. Et lui aussi connaissait l'heure et pendant laquelle les soldats, surtout les novices, et partaient pour Jérusalem ou Tel Aviv ou ailleurs. Et puis il attendait là-bas. Et du coup, vous vous êtes fait attraper en fait? Oui, alors j'étais bonne pour corvée de... Bon, disons le mot, chiottes. J'étais... Ça, c'était les corvées des pommes de terre, c'était les corvées, bon, ouais, comme dans toutes les armées du monde. C'était Rick Azaray pour La panique au Mangin Palace. I can settle down, be doing just fine, till I hear an old freight going down the line. Then I hurry straight home and back, and if I didn't go, believe I'd blow. Ramblin' Man, c'est ce que chantent Isobel Campbell et Mark Lanegan, les deux nouveaux engagés de la playlist d'Inter. Ramblin' Man, l'homme qui radote, parce que bien souvent, un sergent-chef, ça répète sans cesse les mêmes conneries. Alors, pour continuer notre incursion dans les lignes arrières de l'armée française, il est temps désormais, à 11h33, de nous intéresser à la présence des militaires dans notre vie quotidienne. En effet, où peux-tu encore aujourd'hui croiser de beaux militaires ? Auparavant, nous avions tous un cousin, un grand frère ou le fils de la voisine qui faisait son service militaire. Ainsi, nous avions en quelque sorte un contrôle citoyen permanent sur la défense nationale. Mais avec la disparition du service et malgré les JAPD, toi-même, les citoyens que nous sommes ont un peu perdu le lien qui doit unir normalement une nation et son armée. Cela dit, les militaires n'ont pas pour autant disparu. En réalité, tu les croises régulièrement. Le 14 juillet, par exemple, sur les Champs-Élysées, ils défilent. Tu les rencontres aussi tous les jours, puisqu'avec le plan Vigipirate, des soldats patrouillent et surveillent les trains, les métros et les aéroports. Le problème, c'est que les gens, dans la rue, ne sont pas très sympas avec les militaires. Et du coup, le soldat français, ces temps-ci, il a un peu les boules. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé. Mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Holy, mon style correspond bien à mon état civil. Oui, même en civil, ce n'est pas facile aujourd'hui d'être un militaire. De la même manière, depuis quelques jours, le militaire français est harcelé par des canailles grévistes dans le Quartier Latin à Paris. Et, rebelote, le soldat est un peu perdu. Il ne sait plus quoi faire face aux barricades. Alors, il pose des questions à sa hiérarchie. Colonel, faut-il, puisque voilà l'ennemi, faire tirer notre artillerie, disposer notre infanterie. Colonel, faut-il charger tous comme des fous ou partir à pas de loup? Colonel, colonel, dites-le nous. Alors, face à cette mauvaise réputation et à cette crise de confiance qui colle à la peau des militaires, le ministère a donc décidé, de temps en temps, de redorer le blason du soldat. Et du coup, c'est à la télévision que tu croises également les uniformes de l'armée française. Devenir mécanicien et se mettre au service de la paix. Rares sont les entreprises qui vous forment à un métier. Et bien plus qu'un métier. Armée de terre. Appelez le 3240, dites armée de terre. Donc, tu l'as compris. Si toi aussi, tu as peur du CPE, eh bien, fais le 32-40 et deviens militaire. Engage-toi, qu'ils te disent. Là, au moins, tu croiseras des uniformes tous les jours. Mais bon, attention, hein, s'engager dans l'armée, c'est accepter certaines règles de vie. Tous les matins, il y a un type, faut absolument trouver qui c'est. Qui, sur les coups de 6 heures, joue la trompette ou du saxophone, je sais pas ce que c'est comme instrument. Et ça réveille tout le monde. Plus, il joue pratiquement toujours la même chose, c'est irritant. Il faut faire quelque chose, hein. Ah, c'est du clairon. Ah, oui, mais là, non, hein. À ce moment-là, 6 heures, c'est beaucoup trop tôt. Moi, je vois, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis qu'à 50% de mes capacités. Non, vous êtes très agréable, vous, un militaire. C'est pas la question, d'ailleurs. Mais je trouve que vous exagérez un peu, là, quand même. Pardon? Hein? Vous allez m'offrir une chambre individuelle? J'en demandais pas ça. C'est nouveau, cette pilotisme individuel, c'est quoi? Ah, ça existe depuis toujours. Ah. Et comment ça s'appelle? Le Newf. Ça sonne bien. Mais c'est pas un geste que vous allez arrêter, hein? Bon, bah écoutez, je pars de ce parlement. Newf. Passez-moi à l'occasion. Une fois sorti du Newf, tu connaîtras les joies de la permission. Autrement dit, partir en virée nocturne avec les mecs de ton régiment. Et oui, parce que c'est là aussi que les civils que nous sommes croisent encore aujourd'hui certains militaires. En effet, le samedi soir, dans les discothèques, il y a toujours une bande de gaillards, des engagés volontaires qui viennent taquiner la bouteille et la donzelle. Et là encore, au réveil, le militaire français, il est souvent paumé. Si je regarde autour de moi, j'ai dû rentrer très tard. Qu'est-ce que j'ai pu faire hier soir? Il y a des choses que jamais je n'ai vues dans mon lit. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Il y a un collant sur le fauteuil, un slip sur ma guitare, un caniche dans ma baignoire. Moi qui me parfume au tabac, je sens le patchouli. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? D'une manière générale, on se moque facilement des militaires que l'on croise. Et du coup, après une longue carrière au service de la défense nationale, les retraités de l'armée, que tu croises aussi parfois dans les dîners, eh bien, eux aussi, ils sont un peu déprimés. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tatouage de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant et au suivant. Mais bon, heureusement, depuis quelques années, le chef des armées, président Chirac donc, a su prendre soin de ses militaires. Tiens, par exemple, quand il y a quelques semaines, le Clémenceau, abandonné par tous, dérivait dans l'océan Indien, président Chirac a immédiatement réagi et a su trouver les mots pour rassurer son vieux porte-avions. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. Résultat, le Clémenceau va rentrer chez lui, tranquillement au bercail, dans le port de Brest. Alors au final, c'est facile de se moquer des militaires que l'on croise aujourd'hui. Et pourtant, il ne faut jamais oublier une chose essentielle. On parle de supprimer d'un seul coup toute l'armée. Il y a quelques imbéciles qui la trouvent inutile. Supprimer tous les soldats, c'est un crime, c'est même plus que ça. Car je le dis bien aux des militaires, ben il en faut. S'il n'y avait plus de militaires, qu'est-ce qu'on deviendrait sur terre? Je vous jure qu'il y en aurait beaucoup qui trouverait que c'est un sale coup. Et qui c'est qui défilerait à l'arrivée du 14 juillet? Et ceux qui crient « Ah bon l'armée !» Ils seraient forcés de la fermer. Pour les antimilitaristes, vous parlez pour eux d'un supplice. C'est eux qui feraient la guerre. s'il n'y avait plus, s'il n'y avait plus des militaires. Alors oui, même si Clémenceau, le père La Victoire, a déclaré un jour que la guerre était une chose beaucoup trop sérieuse pour la confier aux militaires, il n'empêche que quand ça canarde sur le théâtre des opérations, moi je dis, vaut mieux laisser agir la cavalerie. Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Stop the Cavalry chante en 1980 Jonah Lewis. Stop the Cavalry, c'est un peu ce qu'on aimerait dire à Président Bush et aux autres extrémistes religieux de tous bords, les nouveaux chefs de guerre. Alors, pour poursuivre notre exploration de l'univers fascinant de l'armée française, il est grand temps maintenant, à 11h43, de retrouver nos deux formidables piou-piou, les premières classes Monique et Jean-Claude. Cette semaine, nos deux héros se sont remémorés le service national qu'a effectué Jean-Claude au 121e régiment du train à Montlhéry. Tout a commencé par les fameux 3 jours. Jean-Claude, il y est allé tranquille, persuadé qu'il serait réformé car il a les pieds plats. En fait, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Je me suis présenté tout nu devant un infirmier. Moyennant 10 sacs, il m'a dit, moi je peux vous aider. Je me voyais déjà retournant chez moi. Mais quand ils m'ont dit que j'étais bon pour 18 mois, à ce moment-là, juste derrière moi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps, m'a fait comprendre comment gagner du galon. Et voilà, Jean-Claude se retrouve apte au service. Il est complètement désespéré, proche des larmes, quand tout à coup, le sergent recruteur tente de lui faire voir le bon côté des choses. Tu vas apprendre à démonter des mitraillettes, à tuer le temps dans la bière et les cigarettes, à ramper dans la flotte comme un crocodile, autant de choses utiles dans la vie civile, et à claquer des talons devant le moindre galon. Mon colon, nous nous régalons. Et va petit soldat, va, tu seras caporal. C'est vrai que Jean-Claude n'a pas le moral, surtout qu'il va devoir annoncer la mauvaise nouvelle à sa fiancée, la toute jeune Monique. Monique, son Jean-Claude, elle ne veut pas qu'il parte à l'armée. Mais Mais les pleurs de Monique n'y font rien. Jean-Claude doit partir faire ses classes. Jean-Claude, quand il arrive dans la caserne, il est très détendu mais un peu surpris. En fait, il n'y a pas de femme. En revanche, Jean-Claude rencontre l'homme qui va diriger sa vie pendant plusieurs semaines. Celui qui va devenir son pire cauchemar, le sergent instructeur, un ancien para qui a fait le Liban et qui sait mener ses hommes. Quand un sous-officier entre dans la chambre, le premier qu'il voit doit crier « Garde à vous !» Si c'est un officier, fixe. Si c'est un officier supérieur, le premier qu'il voit doit crier « À vos rangs, fixe !» Compris ? Je suis votre chef de section. C'est moi qui suis chargé de faire votre instruction. Vous apprendrez à me connaître. Les grands, je les casse en deux. Les petits, je les allonge. Un conseil, ne jouez pas au plus con avec moi, vous n'êtes pas sûr de gagner. Qui parle anglais ici? Vous parlez bien? Pas mal. Pas mal, chef. Chef, je suis le chef. Pas mal, chef. Pas mal ou bien? Bien, chef. Bien. Vous allez sortir de cette chambre, prendre le couloir, aller jusqu'au placard. À l'intérieur, vous trouverez un balai, un seau, une serpillière et de la javel. Vous irez nettoyer les water-closettes de droite. Il est 7 heures. Je veux qu'à 8 heures, on puisse y faire un pique-nique. Compris ? Exécution. J'aime pas les vantards. Jean-Claude se retrouve donc affecté à la corvée de chiottes. Il y passera les plus beaux moments de son service, beaucoup plus calmes que le parcours du combattant ou que les pompes. Ah, les pompes. Jean-Claude, il n'a jamais su en faire, même encouragé par la caporale Pinto. Il a beaucoup poussé Jean-Claude, mais de pompe en pompe et de lit en carré, en placard bien rangé, Jean-Claude a réussi à se faire à la vie militaire. En fait, ce n'est pas si mal, le service national. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas trop à penser, et puis... Heureusement, il y a des copains qu'on aime bien. Et des copains qu'on aime bien. Heureusement, il y a des copains qui savent bien. En mettant tout en commun, on se sent bien. On dit n'importe quoi, ou l'on ne dit rien. Heureusement, il y a des copains, et ça c'est bien. Et avec les copains, Jean-Claude, il a de bons souvenirs. Et oui, le service national, c'est un lieu de mixité sociale, où les échanges sont parfois pertinents, et où, malgré ce qu'on en dit, s'engagent parfois des débats quasi philosophiques dans le petit café devant le casernement. Devant le casernement, il y a un petit café. Tous les gars du régiment viennent s'y réconforter. Mais ce qui fait rêver, Vidas au comptoir du bistrot. Devant un verre de Vitelgas ou un canon de Bordeaux. C'est le cul de la patronne. Un cul solide et bien charnu, on peut vraiment s'asseoir dessus. Il est beau le cul de la patronne. C'est le plus beau de la garnison, c'est la joie du troufion. La joie du troufion. C'est vrai que Monique, elle lui manque à Jean-Claude, mais pas tant que ça. Et pourtant, le service militaire de Jean-Claude va prendre une toute autre direction après un drame terrible. Jean-Claude et ses camarades s'étaient entraînés pendant des semaines pour réussir à marcher au pas. Une, deux. Mais à peine le défilé commençait devant le colonel, Jean-Claude entend les commentaires d'un officier baroudeur. Regardez les majorettes passer. Elles ont pas un poil de trop sur les gambettes. Elles défilent au pas qu'à danser, en faisant gonfler leurs chemisettes. Et puis hop, un petit coup de menton. Et puis hop, elles envoient le bâton. Jean-Claude est vexé comme un pou. Ouais, à quoi ça sert qu'on fait des efforts? Moi j'en ai marre. Jean-Claude rentre alors dans sa chambre et s'installe sur son pieu pour écrire une lettre de protestation au chef des armées. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise Ma décision est prise, je m'en vais déserter. Et effectivement, Jean-Claude, le soir même, il fait le mur. Il a décidé de rejoindre Monique. Jean-Claude se rend à la gare la plus proche et en quelques heures se retrouve dans les bras de sa fiancée. Monique, elle n'en revient pas de ce qu'il a fait pour elle, mais elle tente de le raisonner. Jean-Claude n'aurait pas dû déserter. Pour Monique, il lui suffisait de parler à son capitaine. Dis à ton capitaine que je t'aime. Dis à ton capitaine que j'ai besoin de toi. L'été prochain pour les vacances, du 10 juillet à la fin août, je l'ai promis à tante Hortense qui nous invite au Lavandou. Qu'il comprenne, dis à ton capitaine qu'il fasse cela pour moi. Jean-Claude explique à Monique qu'il y a tout de même peu de chances que le capitaine soit compréhensif. Alors Jean-Claude enlace Monique et l'embrasse. Notre déserteur et sa belle vivent une nuit passionnée comme seules les permissions t'en offrent. Mais au petit matin... Mais qui peut bien sonner à la porte ? Jean-Claude va ouvrir en caleçon et tombe nez à nez avec deux gendarmes. Soldat, ne tirez pas, je ne suis pas armé. Soldat, ne tirez pas, je vais vous expliquer. Dans la chambre du bas, ma femme est endormie. Soldat, laissez-la moi jusqu'à demain midi. La la la la la. Mais non, les gendarmes n'attendront pas jusqu'à demain midi. Jean-Claude est immédiatement reconduit à la caserne et c'est en prison que notre valeureux guerrier a terminé son service. Fin de l'histoire, Jean-Claude conserve tout de même aujourd'hui, de ses mois au régiment, quelques bons souvenirs, le sentiment d'avoir vécu une expérience étrange et surtout, il a appris la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant. Aux armes, etc. C'est ce que propose le joyeux réformé Serge Gainsbourg en 1979. Pour cette Marseillaise reggae, l'ami Serge s'est fait défoncer la tête par des parachutistes lors d'un concert à Strasbourg. Et oui, parfois, ils sont un peu primaires dans l'armée. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de la fantaisie militaire. de l'adjudant-chef Chaudard au sergent-chef Ricazaraï, du sous-marin le redoutable au Jean-Claude le déserteur et du troufion en goguette au général d'état-major, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être l'armée française. Alors, c'est quoi aujourd'hui l'armée française 10 ans après la disparition du service national? Eh bien, c'est une armée de professionnels, constituée de 350 000 soldats à peu près, répartis entre l'armée de terre, la marine, l'aviation et la gendarmerie. Sans doute qu'avec la disparition des appelés du contingent, la Grande Muette n'a jamais été aussi loin de retrouver la parole. À l'origine, le service national était une idée formidable, un brassage social égalitaire au service de la cohésion nationale, mais avec le temps, tout cela a laissé place au passe-droit généralisé et au pistonné, pour devenir finalement une chambre d'écho de la société contemporaine. À savoir, d'un côté, les nantis, un peu plus protégés, et de l'autre, la masse, un peu plus fragilisée. Et pourtant, il faudrait peut-être réfléchir à une forme de restauration de service national pour remettre à l'ordre du jour un peu d'esprit collectif. Et tout ça, ça fait d'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Enfin, qui dit restauration éventuelle d'un service national en France ne dit pas forcément militaire, car comme l'a dit encore une fois Georges Clemenceau, dès qu'un mot est associé à militaire, il perd tout son sens. Quand on dit musique militaire, ce n'est pas de la musique. Quand on dit justice militaire, ce n'est pas la justice, et ainsi de suite. Alors non, ne bottons plus le cul de nos jeunes, écartons le militaire d'un nouveau service national et allons plutôt vers un monde merveilleux où les CRS pourront prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Yves Duteil, un artiste essentiel, digne d'un comique troupier. Voilà. Fin du 28e épisode, c'était « C'est quoi les militaires ?», revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure total foutraque et archi loufoque. C'était « Panique au Mangin Palace », ce Radio Mix a été coécrit au garde à vous avec Xavier Mauduit, un ami précieux que j'ai rencontré à l'armée durant notre service national. C'est incroyable mais vrai, merci beaucoup à lui. Au platine et à la réalisation, il y avait Maryse Friboulet que je remercie infiniment et on a une pensée pour Marco Mutel qui est allé accompagner son pote Philippe Labrousse. Il revient la semaine prochaine. Maryse était assistée aujourd'hui à la technique de Benoît Massir et d'Éric Morin, merci à eux deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi. Pour les scuds, on a Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi aux documentalistes de l'INA et enfin merci beaucoup à Catherine Pinto et Xavier Rinaldi, nos deux jeunes recrues très efficaces. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.